comme la mort. J'ai envie de ton corps encore. Et toi? Et toi? Oh, je n'attends qu'une chose de la vie. Juste, juste une autre nuit avec Penny. Penny. Penelope n'attend plus son waspan. Elle trouve que c'est bien trop short la vie. Et c'est pour d'autres choses qu'elle bande. Le nose dans sa tapisserie. Pour moi, pour moi. Oh, je n'attends qu'une chose de la vie. Juste, juste une autre nuit avec Penny. Rose beef à moitié panini, moitié croque monsieur, moitié lady. J'fais exprès de pas comprendre ce qu'elle me dit. J'fais exprès de pas dire ce que j'ai compris. Avec moi, ouais, avec moi. Oh, je n'attends qu'une chose de la vie. Juste, juste une autre nuit avec Benny.